بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. يقول جل جلاله في كتابه العزيز وبعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله عز وجل يدي دان القرآن الكريم concernant لقمان الحكيم، il dit Allah Azza wa Jalla, il parle de Luqman et de cette conversation entre Luqman et son fils. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant: Ya bunay, ô toi mon fils, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun 'azim. N'associe rien à Allah Azza wa Jalla, certes l'association ash-shirku billahi Azza wa Jalla est une injustice énorme, est une injustice énorme. On s'est arrêté la semaine dernière avec ce qu'on appelle tarbiyatul awlad. وقلنا أن تربية الأولاد من الواجبات المطلوبة من الأبوين، كما ذكر ذلك جل جلاله لما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Et on avait rappelé que ici l'éducation des enfants c'était des choses, ou c'est une chose qui est demandée, qui a été ordonnée, qui est obligatoire. L'éducation des enfants, ou dit plutôt la bonne éducation des enfants, c'est une chose obligatoire qui incombe au père et à la mère. C'est pas au père simplement ou pas à la mère simplement, mais aux deux parents. Et la preuve de cela, Allah Jalla Jalaluhu, il dit dans le Coran Al-Karim: vous qui avez cru, préservez vos personnes ainsi que vos familles du feu. Et Allah Azza wa Jalla, il s'adresse aux hommes et aux femmes, aux pères et aux mères. Et ce verset, c'est une preuve parmi les nombreuses preuves qui nous rappellent que l'éducation des enfants incombe au père et incombe aussi à la mère. Et il y a une manière d'éduquer ses enfants. Et on avait cité certaines règles à suivre, بعد القواعد, certaines règles à suivre pour pouvoir bien éduquer ses enfants selon le Coran et la Sunna بفهمي سلف الأمة. Et pour cela, on se doit de se référer au verset coranique et au hadith, au comportement du prophète, au comportement de Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, avec leurs enfants. Et on a plusieurs textes qui nous rappellent comment Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, ils réagissaient, ils se comportaient avec leurs enfants. Et je parle particulièrement ici de l'éducation, hein, dans l'éducation de leurs enfants. Comment ils se comportaient? Est-ce que c'était avec dureté, avec sagesse, etc.? Et c'est ce qu'on tente de voir ici. Et ce qui nous importe ici à travers l'explication de ce verset coranique et des versets coraniques qu'on étudie, c'est bien sûr de prendre les morales et d'avoir une compréhension bonne, saine et complète de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans son livre saint. Parmi les règles de bienséance à respecter quand on éduque les enfants, c'est qu'il faut harmonier entre douceur et autorité, sévérité. Celui qui est trop doux, al-lin, c'est quelque chose qui est demandé en islam, la douceur. الرفق c'est quelque chose qui est demandé en islam, comme قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا عائشة إن الله رفيق ويحب الرفق في الأمر كله, comme قال عليه الصلاة والسلام. Comme le prophète a dit à Aïcha, et le hadith est rapporté par Muslim: oh Aïcha, Allah Azza wa Jal est indulgent, Allah Azza wa Jal est généreux, et il est doux et il aime la douceur, l'indulgence dans toutes choses. Ça, c'est le comportement de base, comme on l'a rappelé plus d'une fois. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ, كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. La preuve de cela, Allah dit dans le Coran al-Karim, et il parle du prophète alayhi salatu wassalam: si tu étais dur ou rude au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. La preuve que le comportement de base du prophète, c'était quoi? C'était la douceur. Donc nous, on se doit de suivre qui? Le prophète alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jalla dit dans le Coran très connu: وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Ici Allah azza wa jalla parle du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit: vous avez certes dans le comportement du messager d'Allah un excellent exemple à suivre. D'accord? Dans le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, c'est notre exemple. On se doit de le suivre. Est-ce que quelqu'un pourra prétendre être un jour comme le prophète? C'est possible ou pas? Ce n'est pas possible. Donc ici, ça ne sert à rien de dire, quelquefois, quand on voit un frère qui fait une erreur, ou une femme qui voit son mari faire une erreur: oui, mais regarde, le prophète était comme ça, toi tu n'es pas comme ça. On ne pourra jamais être comme le prophète. Mais on se doit obligatoirement de suivre l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Comme Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha, c'était Aïcha. Donc ne crois pas avoir ta femme qui a le degré de Aïcha, si elle n'a pas le degré de Aïcha ou de Khadija, de dire directement à ta femme, tu es une égarée, tu ne connais rien dans la religion. Abadan. Ici, chaque chose a sa place. Et il faut garder les pieds sur terre. Voilà qu'il le prophète, c'est notre exemple. Comportement de base, c'était al-lin, al-rifq. D'accord? Comme a dit salatu wassalam, fi sahih muslim, il dit, il n'y a pas une chose qui est accompagnée de rifq sans qu'Allah azza wa jal l'embellisse. Et al-rifq n'est pas enlevé d'une chose, d'accord, sans qu'Allah azza wa jal enlaidisse cette chose-là. Donc, la douceur, la gentillesse, ici, l'indulgence, ceci est demandé. Ça, c'est le principe de base. Mais il y a des moments où il faut, là, on l'avait rappelé plusieurs fois, que ce soit avec les enfants, ou le prophète alayhi salam avec Ba'd al-Sahaba, radiyallahu anhu ardam, par exemple, avec quel compagnon il a dit que ta mère te perde? Mu'ad. Mu'ad. Et je crois, dans un cours précédent, je m'étais trompé, j'avais dit Abu Dhar, Mu'ad. Hein. Donc ici, à la kulli hal, le prophète alayhi salam, quelquefois, il réagissait avec sévérité. D'accord? Avec sévérité, c'était des paroles dures. Voilà qu'il le but, est-ce que c'était de faire mal à la personne? Non. Parce que ici, si on regarde l'ensemble des textes qui nous rappellent le comportement du prophète envers Mu'ad, on voit que le prophète a dit à Mu'ad, « Oh Mu'ad, je t'aime. » Le prophète, il a dit, « Inna uhibbuka ya Mu'ad. » »« Je t'aime ya Mu'ad. » Le prophète, alayhi sallam, aimait Mu'ad. Le prophète, alayhi sallam, a soutenu plus d'une fois Mu'ad, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, wa radiyallahu anhum jami'an. Donc ici, on dit il y a des exceptions. Pareil dans l'éducation des enfants, il faut bien le comprendre. Pourquoi j'élargis? Pour réagir avec science et bonne compréhension. Avec science et bonne compréhension. كَمَا قُلْنَا ذَلِكَ مِرَارًا وَتِكْرَارًا الدَّلِيلُ وَحْدَهُ لَا يَكْفِي لَبُدَّ مِنَ الدَّلِيلُ وَمِنْ فَهْمِ الدَّلِيلُ. Ça ne suffira jamais la preuve tout seul. Il faut la preuve et la compréhension de la preuve. Ça, on l'a dit plusieurs fois. À titre d'exemple, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, concernant le comportement que doit adopter le croyant quand il est chez lui. Quand il est chez lui. Certaines personnes qui vont avoir une mauvaise compréhension de la religion, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et je ne suis pas en train de viser les femmes simplement, ou alors de m'acharner contre les femmes. Abadan. Déjà nous disons, Masha Allah tabarakallah, ce qui est très étonnant, wallah, et pour moi personnellement, ce qui est très étonnant à notre époque, c'est de voir l'assiduité dans la religion, d'accord? Je parle de qui? Des hommes ou des femmes? Des femmes. L'assiduité qu'ont les femmes au jour d'aujourd'hui dans la religion, contrairement aux hommes, ou plutôt par rapport, parce que là je généralise sinon, par rapport aux hommes. Il suffit de voir les questions en général, quand on nous pose des questions, quand on voit les gens qui posent des questions, que ce soit en France ou ailleurs, on voit que c'est de plus en plus les femmes, subhanallah, qui posent les questions. Et quand une personne pose des questions, d'accord, dans des choses qui lui sont bénéfiques, ça c'est une preuve qu'elle a peur de désobéir à Allah Azza wa Jal. Ça montre sa conviction religieuse et son investissement dans la religion. An-Nisa, combien de femmes maintenant s'intéressent à la religion? Beaucoup de femmes. Donc ici c'est à titre de parenthèse, mashallah, qu'Allah les préserve, les assiste et les soutienne, et surtout leur accorde la sincérité, al-ikhlas wa sidq, et la véracité à travers leurs paroles et leurs actes. Ala kulli hal, nous disons, par exemple, il y a des femmes qui disent, oui, mais le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il était chez lui, il cousait ses vêtements et il aidait ses épouses. Donc ici, toi, tu n'es pas comme le prophète alayhi salatu wassalam, tu fais pas la vaisselle. Nous disons, ça c'est une compréhension erronée de la religion. Pourquoi? Parce que ça c'est une compréhension limitée. Ça c'est une compréhension limitée. D'accord? Suivez bien. À titre d'exemple, et je vais revenir sur ce cas-là pour que vous compreniez. Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Elle faisait quoi? At-tijara. C'est connu. Khadija, elle faisait tijara. Elle faisait du commerce. Il y a des gens maintenant, quand ils parlent de Khadija, ils utilisent Khadija radiyallahu anha wa ardaha que pour justifier le commerce pour les femmes. À titre d'exemple. Par exemple, il y a des gens, quand ils parlent du commerce, d'accord? Le commerce concernant la femme qui fait du commerce, tijara, tout de suite, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, Khadija, elle faisait du commerce. Subhanallah. On dirait qu'ils n'ont retenu que ça de Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Khadija at-tijara. Khlas. Rien de plus. Subhanallah. Mais quand quelqu'un a une bonne compréhension de la religion, qu'est-ce qu'il va dire? Déjà, awalan Khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Quand il est rapporté que c'était une grande commerçante, est-ce que ça, c'était ici, après la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, après la révélation, ou fi waqti ou fi ahdi al-jahiliya? C'était quand? C'était dans l'époque de al-jahiliya, du paganisme. Donc ici, il y a un comportement et il y a la vie qu'elle a adoptée et qu'elle a vécue, Khadija, avant l'islam et après l'islam. Premièrement. Deuxièmement, Khadija, alors que c'était dans l'époque de l'Jahiliya, est-ce que c'était Khadija qui faisait du commerce toute seule, ou est-ce qu'elle envoyait des personnes, et parmi les personnes, Mohammed alayhi salatu wassalam, des sortes d'émissaires pour faire du commerce pour elle? C'était quoi? C'était des émissaires, c'est connu, pourtant c'était dans l'époque du paganisme. Et Khadija radiallahu anhu arda, elle confiait la responsabilité, cette responsabilité par exemple, d'acheter ou de vendre quelque chose à des hommes. Donc ça c'était à son époque, à l'époque du paganisme. Ça c'était à l'époque du paganisme. Radiallahu anhu arda. Troisième des choses, Khadija radiallahu ta'ala anhu arda, c'est elle qui a marqué l'histoire, ayyuhal ahibba. C'est elle qui a marqué l'histoire, c'est elle ici, que le prophète alayhi salatu wassalam a aimé énormément. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il aimait pour et en Allah azza wa jal, oui ou non? Naam. Est-ce que Khadija c'était une femme pieuse? Naam. Est-ce que c'était une femme vertueuse? Naam. Est-ce que c'est elle, la femme, la première à avoir embrassé l'islam? Oui. Mais non, khlas, tout ça on a un peu oublié. Mais Khadija c'était une commerçante, point. On passe à une autre femme. Ajaba. Compréhension limitée. Est-ce que c'est Khadija quand le prophète alayhi salatu wassalam raja'a? Quand il revenait avec Iqra, c'est elle qui, quand le prophète il a dit Zammilouni, c'est elle qui lui a dit quoi? Il a dit Wallahi, inna Allah la yukhzik Allahu abada. Elle dit Wallahi, par Allah, Allah Azza wa Jal ne t'abandonnera jamais. Tout de suite, elle n'a pas cherché à comprendre, mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Mais qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu délires? Est-ce que tu as vu quelque chose? Tu as eu des hallucinations? Non! Elle a soutenu le prophète. Naam. Est-ce qu'on doit prendre cette morale que la femme est là pour soutenir son mari dans toutes les situations? À partir du moment où, bien sûr, ce n'est pas une chose qui s'oppose à l'islam. Oui. Voilà qui maintenant les gens. Khadija, tijara. Khalas. Intaha al-kalam. Ça, c'est une compréhension limitée. C'est pour ça que nous disons, attention, on se doit d'avoir une bonne compréhension de la religion. Une compréhension, ici, de la religion qui est bonne, c'est le fait, quand on rentre dans un sujet, on ne travaille pas qu'avec un nas, qu'avec un texte. Voilà qu'on prend tous les textes. النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الأمة. Ensuite on va bien comprendre la chose, sinon on va se perdre, on va rien comprendre. Le prophète il était gentil, mais à un moment on dit il est dur, à un moment il s'énerve, à un moment il dit faut pas hausser le ton, à un moment il crie, à un moment il... on comprend plus. Vous comprenez ou pas? Non. Voilà que quand tu as tous les textes et tu comprends bien, là ça devient plus clair, d'accord. Avant de parler de Khadija, j'ai parlé de qui? De quoi? Mu'adh ibn Jabal. Je parlais que de ça. Des femmes. Généralement des femmes. Masha'Allah. Ici, quand on parle des femmes, et quand les femmes ils nous disent, oui, le prophète alayhi salatu wassalam, il cousait ses vêtements, c'est une vérité ou pas? C'est une vérité. Est-ce que le prophète il était chez lui? C'est une vérité. Mais est-ce qu'on va travailler avec un texte et laisser tous les autres textes qui montre que Sahaba et le prophète alayhi salatu wassalam, quand ils partaient pour le djihad fi sabilillah, ils partaient 2 mois, 3 mois, 1 mois, et ils risquaient leur vie, et ils sacrifiaient tout pour la religion, et ils étaient très peu auprès de leur famille dans certains cas, et ils étaient... donc dans ces mois-là, c'est qui cousait les vêtements à la maison? On va travailler avec... Khlas, on a rendu le prophète, il cousait que les vêtements à la maison. Khlas. Donc ça y est, l'homme maintenant, ça devient Fatima, et Fatima devient Mohammed. Mon Seba. Ça, c'est ceux qui ont une mauvaise compréhension de la religion. Chaque personne doit rester à sa place. Aider ne veut pas dire remplacer. Aider, oui, soutenir, naam, aider, pas de problème. Voilà qui jusqu'à dire, oui mais non, moi je veux que mon mari, il fasse comme le prophète fait. Oh, t'as vu que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était quelqu'un qui faisait la vaisselle de matin comme de nuit ou là. Quel texte t'as vu ça? On n'a pas vu ça. Donc nous disons ici, il y a un juste milieu à adopter et une bonne compréhension de la religion. D'accord? Donc on prend tous les textes et on dit, naam, ça c'était des cas où le prophète alayhi salatu wassalam aidait. Mais prends tout le texte. Quand il entendait l'adhan, comme qala, yani, ou comme qala d'Aïcha radiallahu anhu ardaha, et d'autres femmes du prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il disait? C'est comme s'il connaissait plus personne, il ne connaissait pas. Khlas. L'adhan, sami'na wa ta'na, y'a pas. Y'a plus de, oui mais, non, ad-din, avant ad-dunya ou avant n'importe quelle chose. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il adoptait un juste milieu dans ça. Donc il faut pas tout mélanger. D'accord? Là, je suis en train d'élargir pour avoir une bonne compréhension de la religion et pour faire très attention avant de parler. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm kama qala subhanahu wa ta'ala ayda. Donc ici, on ne parle pas sans science ou en suivant nos passions ou en ayant lu un texte. D'accord? À titre d'exemple encore. Ja'a fi as-sahih Muslim. Là, je donne des exemples. Le prophète alayhi salatu wasalam, on l'avait invité avec son épouse. Il y a plusieurs exemples, je vous donne des exemples qui me viennent à l'esprit. Et le prophète alayhi salatu wasalam, il avait demandé à un compagnon, est-ce que tu acceptes que mon épouse vient avec moi? Et le compagnon, il avait refusé. Sahih Muslim, il avait refusé. Le prophète alayhi salatu wasalam, est-ce qu'il a accepté l'invitation? Il a accepté l'invitation ou pas? Il n'a pas accepté l'invitation. Il avait refusé ici de venir ou de répondre à l'invitation en disant « Je viens pas ici à l'invitation. » Parce que parmi les causes, le prophète alayhi salatu wasalam voulait qu'une de ses épouses vienne avec lui répondre à l'invitation. Quelqu'un va nous dire maintenant, khlas, esprit limité encore. Maintenant, là, je pense que les gens comprennent mieux maintenant. Esprit limité et parler avec science et bonne compréhension. La femme, elle va lire ce texte. Khlas, t'es invité où ce soir? Chez Mohammed. Wallahi, je viens, sinon tu vas pas. Et c'est la sunna du prophète, hadith rapporté par Muslim. Allez, parle. Et la personne va dire, je peux ramener Fatima avec moi? Ouais, mais smahli, akhoya, moi y a pas ma femme, ou là je peux, bah j'ai pas ma femme, elle est pas présente. Ah bah khlas, sunna, j'ai pas droit, j'ai droit de refuser. Mais le prophète alayhi salatu wasalam dit dans Sahih, si quelqu'un vous invite, s'il y a une invitation, est-ce que t'as droit de refuser? Tu refuses pas l'invitation. D'accord? Tu n'as pas droit de refuser l'invitation. Donc khlas, ah bah tu veux pas, bah khlas, je viens pas. Walakin, ta femme, elle allait où? Il y a pas de femme chez le frère. Elle allait où? Rester dans la cuisine chez le frère? Elle allait où? Si on prend le texte là. Donc khlas, si moi, tu veux pas laisser ma femme venir, je refuse l'invitation. Si le frère, il n'a pas de femme, ou si le frère, sa femme n'est pas là, et toi, tu appliques ce texte, et le frère, il te dit, mais ibad Allah, ta femme, je vais la mettre où? J'ai pas de femme, il y a personne chez moi, il y a pas de femme, elle va rester. Non, je veux ramener ma... Est-ce que c'est une bonne compréhension de la religion, ça ou pas? On fait pas d'un comportement du prophète, alayhi salatu wasalam, une généralité, wal'ayyazu billah. Il y a des règles en islam, jusqu'à ce que, par exemple, les savants, les gens de science de usul al-fiqh, ils disent, min al-qawa'id al-fiqhiyya, fi usul al-fiqh, ils disent, par exemple, à titre d'exemple, yani, la parole du prophète, alayhi salatu wasalam, elle devance l'action du prophète, alayhi salatu wasalam. Exemple. على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام فدير يعني لا تفعل كذا وكذا وعليه الصلاة والسلام يعني مثلا فعل كذا وكذا النبي يدي ne faites pas ceci et cela ou ne faites pas cela mais le prophète a fait cela. Qu'est-ce qu'on va dire? Il y a une règle dans les sciences des fondements du droit qui dit la parole du prophète يعني تقدم, elle devance l'action du prophète. Pourquoi? C'est logique ou pas? Parce que quand le prophète dit une chose, ne faites pas ça, ça a plus de poids que le fait de dire le prophète l'a pas fait. Parce que quand il dit, c'est clair, mais quand il l'a pas fait, est-ce que peut-être il l'a pas fait parce qu'il y avait une daroura ou pas? C'est possible, il y avait une nécessité. Peut-être il pouvait pas la faire. Peut-être, et cette règle-là, certains gens de science l'ont utilisée par exemple dans le fait de boire debout. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il a interdit de boire debout. Walakin, yani, fi ba'd al-riwaya, ici, dans certaines versions authentiques, le prophète, alayhi salatu wasalam, il a bu le ma' ou zamzam debout. Donc comment on fait? Pour allier les hadiths, certains gens de science ont dit, le mazemzem, tu peux boire debout. D'autres, ils ont dit, khlas, comme le prophète l'a fait, c'est plus haram, mais c'est makrour. D'autres personnes, ils ont dit, non, ça reste haram. Pourquoi? Parce que la parole du prophète devance l'action. S'il a bu debout, peut-être qu'il avait une excuse. C'est possible ou pas? Il peut avoir une excuse. Voilà qu'une fois il a dit, ne buvez pas debout, c'est clair. Donc la parole devance l'action. Donc c'est plus clair, donc on maintient la parole du prophète, mais l'action, non. Parce que l'action, il peut avoir quoi? Plusieurs raisons qui ont fait que le prophète alayhi salatu wasalam n'a pas fait ce qu'il a dit. On est d'accord ou pas? C'est compréhensible ou pas? Naam. Le prophète alayhi salatu wasalam, il dit, quand on t'invite, tu ne refuses pas l'invitation. Sauf si c'est une daroura, ou sauf yani, si y a un munkar, ou sauf s'il y a quelque chose. Walakin, al-asl, yani, s'il y a une da'wa, une invitation, tu ne refuses pas l'invitation. Ça, c'est clair. Il n'y a aucun texte où le prophète alayhi salatu wasalam, il a ordonné de ramener ton épouse avec toi. D'accord? Où il a ordonné de refuser l'invitation. Mais dans un hadith, le prophète alayhi salatu wasalam, il a réagi de la sorte. Ça, c'est une exception. Celui qui veut faire et mettre cette condition à une personne, il peut le faire dans certains cas. Ou alors qu'il d'en faire une généralité, ça c'est interdit. Sinon, nous disons, la personne a une compréhension limitée de la religion. Nous voyons, c'est... D'accord, là? Yani, birtisar in shadid, ça ce n'est pas dans les détails, mais je donne certains exemples pour avoir une bonne compréhension dans la religion. Ici, al-asl, on avait dit, c'est al-lin, al-rifq. D'accord? Avec les enfants ou avec l'épouse, c'est la douceur. Mais quelquefois, il faut un peu d'autorité, c'est clair, c'est connu. À titre d'exemple, le prophète alayhi salatu wasalam, il dit le hadith est rapporté par At-Tabarani. C'est un hadith rapporté par At-Tabarani et il a été jugé bon par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami'. Selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, écoutez bien, avec tous les hadiths qu'on a, la douceur, la gentillesse, répondre au mal par le bien, etc. Mais regardez, est-ce que ces hadiths, on va les mettre de côté ou on va les utiliser? Le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a dit? Accrochez la cravache. Le prophète qui le dit, Hassanahu al-Albani, fi sahih al-jami'. Accrochez la cravache de manière qu'elle soit visible pour tous les membres de la famille, car cela inspire la bonne conduite. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit accrochez la cravache à la maison, et le sahaba il le faisait. Accrochez la cravache dans la maison. D'accord? Et il disait alayhi salatu wa salam de manière qu'elle soit visible par tous les membres de la famille. C'est-à-dire les enfants, la femme, les tout le monde. Et il dit cela inspire. Est-ce qu'il a dit prenez la cravache frappée? Abadan, non. Walakin il dit ici pour rappeler que quoi? Il faut qu'il y ait une certaine autorité qui soit présente. Il faut qu'il y ait un certain respect qui soit présent dans la demeure. Parce que s'il n'y a plus d'autorité dans une demeure, et s'il n'y a plus al-ihtiram fil bayt dans la demeure, le respect dans la demeure, il ne reste plus rien dans la demeure. Il ne reste plus rien dans la demeure. Si quelqu'un ne respecte pas une personne de science, comme il dit Cheikh Bakr, rahimahullah ta'ala, il ne bénéficiera jamais de sa science. D'accord? Quelqu'un qui va réagir avec un manque de respect, avec son cheikh, ou avec un professeur, d'accord? Ou bien avec un savant, ou avec une personne qui lui enseigne la religion. Il dit, Allah Azza wa Jal va l'empêcher de bénéficier de son ilm. Pourquoi? Parce qu'il a agi avec manque de respect. Il a agi avec manque de respect, comme il dit Cheikh Bakr, rahimahullah ta'ala, dans Hilyatu Talibul Ilm. Un très bon livre, mashallah tabarakallah, qu'on avait étudié, survolé ici avec les frères. Et à la kulli hal bi hawlillahi azza wa jal, ça serait une chose à faire, à reprendre de façon résumée ce livre lors d'une conférence, inshallah ta'ala. À la kulli hal, pourquoi? Parce que le respect, quand il part, ici, il reste que des choses mauvaises autour de toi, ya Abdallah. Que des nuisances. Si le respect s'en va dans une demeure, ici, il ne restera autour de toi que des problèmes et des nuisances. Si le respect part chez un musulman, il se fera peut-être détester par les gens. L'importance du respect, al-ihtiram. C'est pour ça, Ahlul Ilm, ils disent, il faut instaurer la douceur, le bon comportement, mais il faut qu'il y ait du respect dans la maison. Et il faut qu'il y ait de l'autorité dans la maison. Ça ne veut pas dire être méchant, abadan. Être, yani, respecté. Et avoir une autorité, ça ne veut pas dire que tu dois arriver et t'enfler d'orgueil et dire vous connaissez rien et frapper tout et casser tout et vouloir toujours avoir raison et ne consulter personne. Abadan, prophète alayhi salam, est-ce qu'il consultait ses femmes? Il consultait ses femmes, alayhi salatu wa salam. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam, il a interdit de demander de consulter tes enfants? Abadan, consulte même tes enfants. De réagir bien avec tes enfants, on a dit c'est ça le principe de base. Mais il faut qu'il y ait ce phénomène qu'on appelle al-ihtiram, d'accord, qu'il y ait le respect, qu'il y ait une autorité à la maison. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wasalam dans ce hadith là Abdullah ibn Abbas, il disait, le prophète il disait accrochez ici pour que ça soit visible dans vos demeures une cravache, pour que tous les membres de la famille voient la cravache. Pourquoi? Pour rappeler, attention, il y a une autorité, il y a quelqu'un ici qui est responsable dans la famille. Il faut qu'il y ait un respect qui s'installe. C'est pas moi qui l'ai inventé. Le hadith, il est jugé bon par Cheikh Al-Albani, rapporté par At-Tabarani. D'accord? Et le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Car cela leur inspire quoi? La bonne conduite. Ah! La preuve que faire preuve de fermeté et d'autorité, ça inspire la bonne conduite. Donc les gens de science, ils disent, il faut pouvoir harmonier entre eux la sévérité, l'autorité et la douceur. Principe de base, la douceur. Walakin, l'autorité c'est l'autorité. Quand il faut être ferme, il faut être ferme. Ça ne veut pas dire il faut être violent. Abadan. Walakin, être ferme. Quand il faut. D'accord? Il y a des fois où il faut le faire. Pareil avec l'enfant. Comme ils disent les gens de science, yani, être sévère avec eux, quelquefois c'est la solution. Il ne faut pas croire que, oui les enfants, regarde Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu, ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Ici, il va sortir les ahadith. Aussi sur la douceur, on avait dit, j'ai donné plusieurs exemples. Si vous avez compris ça, vous avez compris énorme dans la religion. Et c'est comme ça qu'on acquiert ce qu'on appelle al-hikmah, la sagesse. C'est comme ça qu'on acquiert la sagesse. En ayant une bonne compréhension de la religion. C'est quoi le hikmah? Comme ils ont dit certains gens de science, c'est la bonne compréhension qui te pousse à craindre Allah Azza wa Jal et parler avec droiture et placer chaque chose à sa place. Ah, la bonne compréhension dans la religion. Ça, c'est la bonne compréhension dans la religion. Donc, nous disons, na'am, walakin il y a des cas où la sévérité s'impose. C'est pour ça, les gens de science, ils rappellent certains athar, ou sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, ils agissaient avec sévérité. D'accord? Envers les enfants. Il suffit de citer le hadith authentique où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ordonnez à vos enfants de faire la prière à 7 ans. Et, à 10 ans, frappez-les. Ce n'est pas frapper avec violence. Mais c'est pour dire, montrer, agissez avec sévérité. Est-ce que le prophète est dur? Non. Walakin il faut. Et c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Il y a des enfants, masha'Allah, tu n'as besoin, c'est comme ça, ça ne sert à rien de dire oui, c'est une généralité. Abadan, c'est du cas par cas. C'est comme ad-da'watu ila Allah azza wa jal, c'est du cas par cas. Tu dois t'adapter à la personne qui est en face de toi, c'est vrai ou pas? Personne qui est nouvelle, c'est pas comme une personne qui est ancienne. Une personne qui est réputée pour avoir beaucoup d'orgueil, est-ce que tu vas lui donner les conseils de la même manière qu'une personne qui, masha'Allah, accepte les conseils? Non. Une personne qui est agressive, est-ce que tu vas parler de la même manière avec lui qu'avec une personne qui est douce? Non. Tu t'adaptes. Pareil pour les enfants. Parce que dans tous les cas, an-nasiha, quand tu donnes un conseil à ton frère, c'est une éducation. Quand tu conseilles ton fils et tu exhortes ton fils, c'est une éducation. C'est une éducation. Il y a des enfants, il y a besoin d'être un peu plus sévère avec eux. Et ça marche. Il y a d'autres enfants, ici, la douceur suffit. Il y a d'autres enfants, faut être plus sévère, mais frapper, ou alors, je dis pas frapper, déjà dans le visage c'est interdit, mais avec violence, mais secouer, ça ne marche pas. Wahad darb fait deux jours comme deux nuits, wallahi ça marche pas. Même pire, vous savez, il y a des cas, ça les endurcit encore pire. Donc ça sert à rien, passe à une autre solution. Walakin dir, moi mon fils j'arrête pas de lui hâter, deux jours comme deux nuits. Il change pas, mais il t'harrek walou, rien. Donc j'arrête, j'abandonne. Abadan, passe à une autre solution, c'est tout. La sévérité ce n'est pas qu'avec la main, non. Lui priver de certaines choses. Ici, le punir. Mais il faut faire ça. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. D'accord? Et regardez ce sahaba radiallahu anhu wa arda, ma titre d'exemple. Il y a quelquefois des gens qui disent, et ça, je vais revenir sur ça, mais on reste dans l'éducation des enfants, on reste dans le contexte. Quand on parle d'éducation des enfants, les gens, ils ont tout mélangé. Quand il faut être sévère, ils disent, non, t'es trop dur avec lui. Quand il faut pas être sévère, ils disent, oui, mais non, là, t'aurais dû être sévère. Ils mélangent tout. Par exemple, on entend des parents qui, quand il faut être sévère avec leurs enfants, parce qu'ils font pas leur prière à l'heure, ou ils font pas leurs devoirs, même des sciences profanes, mathématiques, ou peu importe. Nous, on veut être premiers, bi'idnillah azza wa jal, dans les premiers rangs. On veut aller de l'avant, que ça soit dans les choses de la vie d'ici bas, comme dans la religion. Comme dans la religion. L'a'ni, il le laisse. Pas de sévérité, rien du tout. Walakin, ici, quand il va voir une personne qui dit, as-salat al-fajr, même si ton fils a 8 ans, tu es obligé, c'est obligatoire pour toi, de le réveiller pour faire salat al-fajr. Parce qu'il a 8 ans, et le prophète il a dit ordonnez-leur de faire la prière à 8 ans. Il va te dire quoi? Regarde, wal'iyadhu billah, quand tu parles avec science et tu comprends bien la religion. Oh mais t'es trop dur. Un petit mskin 8 ans, tu vas le réveiller, mskin il est KO, il est fatigué, fais salat al-fajr, oh c'est trop dur. Donc toi il va te rendre comme, ou faire de toi une personne sévère alors qu'à ce moment-là, non, c'est pas de la sévère, au contraire c'est de là. C'est de l'amour, c'est de la compassion, c'est de la clémence, c'est de la miséricorde, c'est ce qui est demandé. C'est qui va éduquer ton fils? Toi, tu es une cause. C'est Allah Azza wa Jal le principal éducateur. Et pourquoi pas alors que le prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il a connu son père et sa mère alors qu'il avait 9 ans? Il y avait son père et sa mère alors qu'il avait 8 ans? Alors qu'il avait 7 ans? Il y avait ses parents? Son père, il l'a connu quand il est né? Il l'a pas connu. Le père, le pilier, il l'a pas connu. Sa mère, elle est décédée ou pas? À quel âge? Il avait quel âge? 6 ans, le prophète, il avait ni son père ni sa mère. Allah Azza wa Jal rappelle à l'humanité que celui qui éduque, celui qui guide, celui qui égare, ce n'est ni le père ni la mère, c'est qui? Allah Azza wa Jal. C'est la meilleure des créatures sur la surface de la terre, Muhammad alayhi salatu wa salam. Walakin, hada, yani al-akhdu bil-asbab, hada wajib. Ça, c'est obligatoire d'utiliser les causes. Et le père et la mère, c'est une cause. Ça veut pas dire, oh, maintenant, c'est Allah qui guide, on fait. Non. Tu es là, tu fais les causes, tu assumes ta responsabilité, tu assumes cette amana, ce dépôt. Donc toi, agis avec compassion et clémence et droiture. Réveille ton fils, al-fajr. Mais les gens, ils ont tout mélangé. Alors que le prophète, c'est lui qui nous dit, ordonne à ton fils de faire la prière à 9 ans. À côté, récompense-le. Il fait salat al-fajr. Barakallahu fik ya bunay. Et aujourd'hui, inshallah ta'ala, khlas, tu lui offres un petit cadeau. Tu lui offres un petit présent. Tu le motives. C'est pas toujours fait. Et ici, jamais de présent, jamais de cadeau. Mskin, ça le motive pas. Mais attention. Il y a une différence entre eux. Éduquer son fils dans ce qu'on appelle ici, al-riya, l'ostentation, ou alors dans une chose qui est contraire à l'ikhlas, la sincérité. Par exemple, une personne, elle va dire, à chaque fois que tu apprends quelque chose, je te donne quelque chose, tout le temps, dans tous les cas. Si tu apprends pas, je te donne rien. C'est trop ça, c'est un excès. Parce que le fils, il va grandir avec quoi? Khlas, en fait, j'apprends plus pour satisfaire Allah, mais j'apprends que pour les cadeaux. Donc, il faut être raisonnable aussi. Un enfant, c'est normal, il va pas dire à 4 ans, oui, j'apprends pour aller au paradis, être dans le Firdaus al-A'la avec le prophète, alayhi salatu wa sallam. Non, faut pas rêver. Walakin, on est là pour l'éduquer. Quelqu'un va dire, oui, mais c'est trop tôt, 3 ans, 4 ans. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, dans Sahih Muslim, il te rappelle que l'éducation des enfants commence même à sa naissance. Quand il dit, أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. Les noms les plus aimés auprès d'Allah, c'est quoi? Le serviteur d'Allah, serviteur du miséricordieux. Serviteur de qui? De l'argent, de dunya, d'Allah. Pour que ton fils grandisse avec ce nom, Abdullah, Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahman, serviteur d'Allah. Je suis un serviteur d'Allah. Je suis un serviteur. Dans son nom, il y a écrit Allah. Il y a écrit Ar-Rahman. Les noms d'Allah Azza wa Jal. Regardez l'éducation, elle compte. Donc dis pas, il est trop jeune. Abadan. Il n'est pas trop jeune. Il n'est pas trop jeune. Même l'éducation commence même avant que ton fils ici ne naisse. Avant que ton fils naisse, c'est vrai ou pas? Avant même que tu aies eu des rapports ou les premiers rapports avec ton épouse. L'éducation des enfants, elle commence déjà. C'est vrai ou pas? Et la preuve? C'est quoi la preuve? La dua avant d'avoir des rapports avec son épouse. Comme il disait un cheikh, hafizahullah ta'ala, quand il nous enseignait la science, il nous rappelait quand il passait sur ce passage-là, il nous disait toujours, il nous racontait toujours cette histoire. Une fois, une personne, quand il a entendu, il était dans une assemblée, et quand il a entendu ce hadith-là, il s'est levé, il a dit, bon, en fait, on est tous pris par shaitan, tous possédés par shaitan, c'est normal qu'on s'est tous égarés. Parce que le prophète, alayhi salatu wasallam, dit dans Sahih, toute personne qui, avant d'avoir des rapports avec son épouse, il dit, Bismillah, Allahumma jannibna shaitan, wa jannibi shaitan ma razaqtana, tu demandes la protection auprès d'Allah Azza wa Jal, contre shaitan, d'accord, pour pas que shaitan te nuise lors de ces rapports, et tu dis à Allah Azza wa Jal, ici de préserver ta descendance de shaitan. Le prophète alayhi salatu wasallam a dit, si Allah a décidé qu'après avoir fait ce rapport, et si tu as dit cette invocation, tu es un enfant, cet enfant sera préservé de l'emprise de shaitan. Hadith en sahih. C'est une petite invocation dans la citadelle du musulman, tu l'apprends. Masha'Allah. Regardez le fait, les dégâts du manque de science. Et le bénéfice de l'apprentissage de la science. C'est des petites choses comme ça, masha'Allah. Voilà qu'il regarde une chose qui va te profiter à ta descendance, bi'idnillah. Tu l'as appris. Khlas. Si t'as d'elle du musulman, tu l'as lis et tu l'as dit. Si tu ne sais pas dire en arabe, tu l'as dit en français. Alhamdulillah. Si tu l'as dit, c'est une des causes qu'Allah Azza wa Jalla va faire que ton enfant soit préservé de shaitan. Est-ce que l'éducation des enfants commence même avant d'avoir eu des rapports avec ton épouse, oui ou non? Naham. Donc on dit pas, il est trop jeune, miskin. Oh, t'as vu, il est trop jeune. Allah, le prophète, t'éduque et te rappelle et il te dit, attention, ne néglige pas le jeune âge de l'enfant. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont 5 ans qui connaissent le Coran al-Karim par cœur? Oui ou non? Ça existe. Ça existe. C'est pas à l'époque du prophète, ça existe. Donc ici, est-ce que tu vas dire, oui, il est 5 ans, il est trop petit pour commencer à faire un programme avec lui? Non! On ne néglige pas l'éducation des enfants. Et nous disons ici, la meilleure des éducations, c'est pas avec les paroles. Et ça, yani, c'est général. Que ça soit avec les gens, à qui tu fais ad-da'watu ilallah azza wa jal, ou avec ton épouse, ou avec les enfants. Ce n'est pas le plus important, ou on va dire, ce n'est pas le plus efficace. Ce n'est pas le plus efficace. Pourquoi? À titre d'exemple, je vous donne souvent ce récit, que tout le monde connaît, Moussa alayhi salam. Quand Allah Azza wa Jal lui a informé que son peuple invoquait, ou adorait plutôt, un veau en or. Est-ce que Moussa alayhi salam, d'accord, quand Allah Azza wa Jal lui a donné ce khabar, cette information, est-ce que Moussa alayhi salam, il a réagi de la même manière que quand il a vu son peuple en train de faire ce shirk? Oui ou non? Non. Quand il a eu l'information, ça lui a fait mal, certes. Mais quand il est parti, Moussa alayhi salam, il était parti avec les tablettes. Et quand il l'a vu avec ses yeux, d'accord, avec l'œil de la certitude, aïnul yaqin, quand tu vois, c'est pas comme quand t'entends ou quand on te dit. Quand il l'a vu, il a fait quoi? Il a lâché les tablettes. Les savants, ils ont dit, regardez, sa réaction n'a pas été pareille. La preuve que quand on te dit, quand t'entends, quand tu parles, c'est pas comme quand tu vois la chose. On est d'accord? Quand une personne va te parler, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, et après, dès qu'il finit le cours, tu vois rien du tout de ce qu'il a dit. Et si cette personne n'avait pas parlé, il n'avait dit ni qala Allah, qala Rasul. Walakin, quand tu le vois marcher, tu vois qala Allah wa qala Rasul. كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها sur le comportement du prophète كان خلقه القرآن. القرآن يمشي. Le Coran qui marche. Le prophète Aïcha l'a dit, son comportement c'était le Coran. Et c'est pour ça les gens de science, qu'est-ce qu'ils disent? L'impact est plus intense et plus grand. D'accord? L'impact est plus grand quand tu fais ad-da'watu ilallah avec ton comportement qu'avec ta langue. Bien qu'avec la langue, ici dans certains cas c'est plus important. Voilà qu'une de façon générale, l'impact est plus important avec le comportement. C'est pour ça que nous disons, le plus important dans l'éducation des enfants, c'est pas de parler de jour comme de nuit, mais c'est de leur montrer à travers ton comportement c'est quoi l'islam. Parce que la principale référence du garçon et de la fille, c'est qui? Celui qui va dire c'est le prophète alayhi salatu wassalam, ou ça doit être le prophète alayhi salatu wassalam, on va dire tu mens ou bien t'as mal compris la religion. Ou ton fils à 2 ans, il va dire moi mon exemple c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et oui il connaît le prophète. À 3 ans, à 4 ans, il va connaître, commencer à comprendre, mais il va pas connaître. Tu vas lui dire qui tu préfères, Mohammed alayhi salatu wassalam ou ton père? Quel enfant à 3 ans va dire je préfère Mohammed alayhi salatu wassalam, si ce n'est s'il le dit mécaniquement? C'est vrai ou pas? Mais pourquoi? Parce que c'est naturel. Walakin, il faut que quoi? Il faut qu'il apprenne à connaître le prophète alayhi salatu wassalam pour vraiment aimer le prophète alayhi salatu wassalam. On est d'accord? Pourquoi il a aimé son père, l'enfant, plus que le prophète alayhi salatu wassalam? Pourquoi? Il le connaît bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il le voit. Parce qu'il le connaît mieux que le prophète alayhi salatu wassalam. Quand tu connais Allah azza wa jal, d'accord, tu l'aimeras automatiquement plus que la personne qui ne le connaît pas. Et tu ne pourras connaître Allah azza wa jal qu'en apprenant à le connaître à travers ses noms et ses attributs, comme il dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala. C'est pour ça que les gens de science disent, plus que tu as de la connaissance à connaître, plus tu as de la science, et plus tu aimeras Allah et son prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi cet enfant il aime plus son père que le prophète? Parce qu'il connaît plus son père que le prophète alayhi salatu wassalam. C'est clair. Mais quand il a le choix, ah, je connais la vie de mon père, la vie du prophète. Ah, il n'y a plus de doute. Khalas. Mais il faut connaître, il faut faire une démarche. On est d'accord. Donc ici, à nous de montrer le meilleur des exemples à notre enfant, parce que c'est toi l'exemple à ton fils. Quand il va grandir en voyant son père qui est respectueux, son père qui est droit, son père qui est équitable, son père qui ne dit pas d'insultes, son père qui ne crie pas, son père qui, automatiquement, il va grandir avec un caractère qu'on dit un caractère inné. C'est pas un caractère acquis. Il aura pas besoin de ce caractère acquis. Caractère acquis, on a dit, c'est quelqu'un qui grandit avec des maladies. Au bout de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 25 ans, il toubile Allah, alors qu'il mentait, alors qu'il volait. Et obligé, on lui dit, mais ça c'est haram. Ça c'est haram. Ça c'est obligatoire. Ça c'est interdit. Entre guillemets, il vient de se réveiller, on est d'accord. Donc tout ça, il doit tout corriger. C'est un caractère acquis. Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, il dit, c'est quoi le meilleur? Le caractère inné ou le caractère acquis? Le meilleur, c'est le caractère inné. À qui? Pourquoi à qui? Il y a un effort qui est fourni. Donc ici, le meilleur, c'est le caractère à qui? Mais comment on peut dire qu'une chose est meilleure qu'une autre, alors que le fait d'avoir un caractère à qui, d'accord, ne sera jamais comparable au caractère inné? C'est pas possible. Parce que celui qui va avoir un caractère à qui, il aura toujours des déficiences, il aura toujours du mal à se corriger. Tandis que caractère inné, il a plus de facilité. Ici, ça va être naturel. Il aura plus de chances de pas se tromper, ou de glisser, ou de tomber dans le mensonge, parce que lui, il a grandi avec ça. Ça, c'est automatique. On est d'accord. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit que le caractère inné est meilleur. Mais celui qui a un caractère acquis aura plus de récompenses. Regardez l'ulama, Cheikh Al-Uthaymeen. Pourquoi? Parce qu'il dit le caractère acquis, il a fait plus d'efforts. Et quand tu fais plus d'efforts, t'as plus de récompenses. Mais le caractère inné sera toujours meilleur. Vous avez vu? C'est comme quand le prophète alayhi salam dit khayruhum fil jahiliya khayruhum fid din, comme ja'a fi sahih. Ceux qui étaient le meilleur dans le paganisme, dans le haram, dans l'ignorance, quand ils rentrent dans la religion, et le prophète a dit et qu'ils ont compris la religion. Regardez la condition, ash-shart, qu'ils ont compris la religion, ça sera les meilleurs, khayruhum fid din, les meilleurs dans la religion. Walakin, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il parle dans sahih des catégories, cette catégorie de personnes qui seront couverts de l'ombre d'Allah Azza wa Jal, le jour où il n'y aura d'autre ombre que l'ombre d'Allah Azza wa Jal, il dit quoi? Shabun nasha'a fi ta'ati Allah Azza wa Jal. Un jeune qui a grandi dans quoi? Dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est lequel le meilleur? On va pas dire c'est mieux de faire le haram et de se repentir. Non! Walakin, lui, il aura des qualités que celui qui a grandi dans la religion, il n'aura pas. Walakin, le meilleur, c'est lequel? Celui qui a grandi dans la religion. On a compris ou pas? Donc il faut avoir une bonne compréhension de la religion, on ne travaille pas qu'avec un texte. D'accord? Donc ici, nous disons, le caractère inné, ici, c'est meilleur de l'avoir. Et c'est plus facile. Tu laisses une facilité à ton enfant. À titre d'exemple, l'enfant, il a 5 ans. Tu lui apprends le Coran al-Karim. Imagine-toi. Pourtant, c'est pas quelque chose d'incroyable. Même si tu n'as pas les capacités, toi. D'accord? On dit pas, la ralève, moi je mise tout sur mes enfants, moi Rabbi m'a pas ouvert les portes de la science, j'arrête. T'es qui, toi? T'es vous au paradis? T'as eu un contrat? Quand t'es né, toi, t'es au paradis, c'est bon. Khalas. Occupe-toi de tes enfants. Wa'bud Rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Ça, c'est les gens égarés, msakin. Al-Juhal. Ou alors les autres qu'on entend. Il arrive, il a 42 ans, oh, Allah yaj'al baraka. Moi j'ai fait de da'wa, place aux jeunes. Alhamdulillah, moi j'ai. Et le prophète, il a eu la révélation à quel âge? À 10 ans. À quel âge a eu la révélation, le prophète? Khlas, la quarantaine, il a passé le prophète. Adi, il a eu la révélation. Adi, il a dit bismillah. Et Allah, il dit, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Toi, t'as 40 ans, 45 ans. Oh, Allah, yaj'al baraka. Allah, yaj'al baraka. Innama al-a'malu bil khawatim, ya Abdallah. Ça veut dire que toi, peut-être, t'as fait du bien. Et quand tu vas tout baisser les bras, Allah, il va faire que tu vas mourir dans l'insouciance, dans le ghafla wal-iyadu billah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Jusqu'à ce que te vienne al-yaqin, yani al-maut. Jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Donc tu ne baisses pas les bras, tu ne sais pas comment, quand et où tu vas mourir. Donc tu fais des efforts jusqu'au bout. Donc on se doit d'avoir une bonne compréhension de la religion. Naam, ça peut arriver où des gens, on va dire, ils savent très bien. Ils ont 35 ans, 30 ans, c'est très difficile pour apprendre le Coran al-Karim par cœur. Un petit de 10 ans, il va retenir plus facilement qu'une personne de 40 ans. Ça c'est connu, c'est clair. Pour ça ils disent les gens de science, l'âge d'or pour apprendre le Coran al-Karim en général c'est de 5 ans jusqu'à 18 ans à peu près. 18 ans, 20 ans, c'est vraiment le top. Khlas, là, ton cerveau, il est masha'Allah. Imagine-toi, tu fais des efforts avec ton fils. Ah, tu vas lui donner quelque chose d'eux, il va grandir avec. Est-ce que ça va être meilleur pour lui, d'accord, que, ou alors, c'est-à-dire, est-ce que ça va être meilleur pour lui d'apprendre le Coran ou que tu lui as appris le Coran à 5 ans et que tu as fait un programme avec lui jusqu'à 10 ans, à 10 ans, il connaît le Coran al-Karim par cœur? Est-ce que c'est meilleur pour lui que d'avoir ici délaissé cette responsabilité qu'à 25 ans, il dit, ah, bah, il faut que j'apprenne le Coran par cœur? Ça va être quoi le meilleur pour lui? C'est le premier cas. Lui, il va te dire même, il va t'embrasser la tête. Imagine, il était même pas bien conscient, il arrive à 10 ans, il a déjà ce gros bagage. Imagine-toi le Coran al-Karim kamil dans sa tête, par cœur. Imagine-toi la facilité. Il va grandir avec une très grande facilité. Donc ça va être facile, ça va être meilleur pour lui. L'autre, bien sûr, il va fournir un autre travail. D'accord? Et celui qui fait le poids d'un atome de bien, Allah le verra. Et plus tu fournis d'efforts, plus tu auras de la récompense. Mais c'est quoi le meilleur et le plus facile? C'est la personne qui a quoi? Qui a grandi déjà avec ce bagage. Khlas. Pour lui, il a même pas senti la difficulté. 10 ans, il a appris le Coran al-Karim. Khlas. Il peut se concentrer dans d'autres choses. Et le Coran al-Karim, l'apprendre par cœur, tout simplement. Je vais pas dire que ça sert à rien. Mais c'est pas le plus important. C'est pour ça, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, yani, qira'atu ayah. Le fait de lire une ayah dans le Coran al-Karim, avec, yani, une bonne compréhension, c'est meilleur pour toi que de quoi? Lire le Coran al-Karim kamil, tout entier, sans rien comprendre. Il faut ici la bonne compréhension et la méditation. ولذلك قال سبحانه وتعالى افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. Il faut la méditation. Continuent à ne pas méditer le Coran ou ont-ils des cadenas dans leur cœur? والعياذ بالله. Donc nous disons ici, facilite à ton fils. Fais-le grandir avec un caractère inné. Et si tu veux le faire grandir avec un caractère inné, il faut quoi? Qu'il grandisse en voyant un bon exemple devant lui. Même si tu parles pas, ça va être mécanique. Il a jamais vu son père insulter. Où il va apprendre qu'il faut insulter? Il a toujours vu son père et connu comme une personne responsable. Il va apprendre à être responsable. Une personne, c'est un homme. Masha'Allah, il va être un homme bi'idnillah azza wa jalla. Une personne qui aime din, il va aimer din. Une personne, son père il le voit et sa mère toujours prier, il va aimer la prière. Les gens qui ont des enfants, vous voyez, même si l'enfant il a 1 an, 2 ans, vous voyez l'enfant et tout le monde dit subhanallah. L'enfant, dès qu'il voit mécanique, il voit le père ou la mère prier, il court, il prend une petite sajada ou alors il se met à côté de ses parents et il prie, il fait des gestes. Est-ce que toi, quelquefois, tu es parti, tu as dit, écoute, viens, quand c'est l'heure de la prière, tu viens à côté de moi et tu fais comme ça le rukou? Vous avez dit ça à vos enfants? Abadan, il n'y a même pas besoin. Mais comment il a su qu'il fallait venir à côté du père et faire le rukou et faire sujoud et faire comme ça et se taire? Et c'est en faisant quoi? En voyant. Pourtant, il a 1 an et demi ou 2 ans. Ah, le comportement. Quand les enfants vont grandir et vont voir que quoi? Le père respecte la mère. La mère respecte le père. D'accord? Le responsable de famille, c'est le père. Et la mère, ici, elle se conforme à ce respect. Et ici, il y a une entraide mutuelle, un respect mutuel. Masha'Allah. La fille va grandir avec une bonne éducation. Elle va savoir, khlas. La femme ne doit pas se rebeller sur son mari. Et le mari doit respecter la femme. La femme ici, plus elle reste chez elle, et mieux c'est meilleur pour elle. Et c'est plus meilleur pour elle que si elle restait sortir dehors. Parce qu'elle a vu sa mère rester dans le foyer. Je ne veux pas dire qu'elle est en prison, elle est enfermée, elle ne peut pas sortir. Walakin Allah Azza wa Jalla l'a dit, شِئْنَا أَمْ أَبَيْنَا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنْ. Restez dans vos foyers. Le meilleur c'est le foyer. Ce n'est pas une prison. Ça c'est les égarés qui le disent. C'est quoi? Ça doit être un jardin de quiétude, le foyer. Et pourquoi pas? Alors que de ce foyer vont grandir et vont sortir quoi? Al-ulama, les gens de science, les gens vertueux, les croyants, ceux qui vont... Et c'est qui a la principale responsabilité de ça? C'est le père et la mère. Et c'est qui a passé le plus de temps avec ces gens qui sont devenus des savants? En général, c'est la mère. Est-ce que la mère aura la récompense si après son enfant c'est un savant en train d'éduquer les gens dans l'islam? La mère elle a l'ajr, mashallah. La mère elle a la récompense. Et Allah Azza wa Jal, il rappelle l'importance de la mère quand il montre l'histoire de qui? Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, il a été éduqué par qui? Par sa mère ou par son père? C'est qui son père à Isa? Subhanallah. Regarde Allah Azza wa Jal, il montre l'importance de la mère. Même si la mère elle est toute seule, ce n'est pas une excuse. Jésus, il avait un père. Il n'avait pas de père. Allah Azza wa Jal, c'est qui? C'est Allah l'unique. Jésus, c'est qui? C'est un prophète. Donc ici, Jésus, il a une mère. Il a été éduqué par sa mère. On continue. Ismaïl, il a été laissé par Ibrahim, entre les mains de qui? Dans un désert, entre les mains de Hajar. Et toute une histoire et des rites du pèlerinage qui découlent des rites de Hajar. Quand elle a fait quoi? L'aller-retour entre Safa et le Marwa, quand elle est restée dans le désert, elle lui a dit, tu vas nous laisser tout seul, moi, Ismaïl, dans un désert, avec un peu de date et un peu d'eau. Mais, et Ibrahim, sami'na wa ata'na, il s'est retourné, il a continué à marcher. Elle lui a dit, est-ce que c'est ton Seigneur qui nous a ordonné? Elle a dit, na'am. Elle a dit, Allah nous laissera jamais. At-tawakkul 'ala Allah azza wa jal. La confiance en Allah azza wa jal. Dans un désert, avec un peu de date et de l'eau, avec un bébé dans les mains, imaginez-vous, vous vous tournez, vous dites à votre femme, salam alaykoum. Subhanallah. Regardez, dans un désert, et elle a dit, c'est Allah qui t'a... Khlas, c'est pas grave. Regardez, c'était qui? C'était une femme ou un homme? C'était une femme. Il y a d'autres exemples encore ou pas? Qui encore? On a qui encore comme exemple? Moussa alayhi salam. Donc regarde, on a Isa, on a Ismaïl, on a Moussa alayhi salam. Il a grandi, il a été éduqué par qui? La femme de Pharaon, une femme, Asiya. Alors que l'homme c'était un tyran, celui qui a dit ana rabbukumul a'la, mais qui a été attaché par cet enfant, c'était une femme. Maintenant partons plus loin. Laissons les prophètes, ils sont loin. Maintenant derrière, avançons plus et on passe à l'imam Malik rahimahullah ta'ala. L'imam Malik, mashallah. L'imam Malik. C'est qui l'a éduqué? L'imam Malik? C'est sa mère. Il a grandi avec qui l'imam Malik? Que sa mère. Et une éducation exemplaire. Quand on fera l'histoire un jour, inshallah ta'ala, de l'imam Malik, vous allez voir, mashallah, l'éducation de sa mère, Allahu Akbar. Ad-din ala ad-din, la religion sur religion, c'était que la religion. C'est une montagne de science qui est sortie. Imam Udari al-Hijra, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, l'imam Malik, il a été éduqué par qui? Par sa mère. La mère, ici, elle aura la récompense, car c'est elle qui a eu entre les mains, depuis leur plus jeune âge, al-kibar, les grands, al-ulama, ahlul khayr, les pieux, les vertueux, les sincères, les véridiques, ceux qui ont fait qiyam al-layl, ceux qui ont... C'est qui a éduqué ces personnes-là? C'était la mère. Qui a passé le plus de temps avec eux? C'était la mère. Il faut que la femme, quand elle a des enfants, elle se dit, moi je veux prendre une énorme récompense bi-idnillah azza wa jal et faire un très bon investissement. Je veux que mon fils soit un savant. Comme ça, quand je grandis, quand je suis vieille, quand je suis âgé, alhamdoulilah, je sais que j'ai laissé un très bon investissement. Il fait ad-da'wa, il sort, il prie, je prends l'ajr, le compteur il tourne. Je suis dans ma tombe. La meilleure des choses qu'il y a sur la surface de la terre, ce n'est autre que quoi? Al-ilm. Les gens transmettent la religion, ce qu'il a pris, mon compteur il tourne. Mon compteur il tourne, al-ilm. C'est ce qu'on doit avoir comme intention pour les parents. Et je dis pas qu'on veut pas avoir des ingénieurs, des médecins. On a besoin de ça aussi. Walakin si Allah il a ouvert les portes de la science à ton fils, tant mieux. S'il n'a pas ouvert les portes de la science, c'est un pieux. Walakin il fait un autre métier, mashallah, tabarakallah, il n'y a pas de mal. Walakin nous disons, avant tout, on fait devancer l'intention sincère d'avoir des enfants vertueux, pieux, qui invoquent Allah Azza wa Jal en notre faveur, et on les éduque avec quoi? Avec le comportement. Toi, sois comme il se doit, sois une personne responsable, active, pas paresseux, pas fainéant, pas insouciant, qui aime la religion, wallah il adim, sans parler, ton fils il va te suivre. Si la femme, elle met son hijab al-shar'i, elle craint Allah, elle fait ses prières à l'heure, elle écoute le Coran al-Karim, wallahi al-adim, t'as pas besoin de parler, ou si ce n'est très peu, t'as besoin de parler que très peu, et wallahi, elle va grandir avec cette fitra qui a été préservée. Cette nature saine, l'islam, elle a été préservée au fur et à mesure des années. Elle va grandir, elle va prendre comme exemple ça, mais c'est quelque chose de naturel pour elle. C'est pour ça, et je termine avec ça, les gens de science, ils disent, quand on pose souvent la question, est-ce qu'on a le droit de mettre, par exemple, des habits qui sont illicites à des filles, hein, qui sont illicites pour les femmes, mais pour des petites filles. Par exemple, une jupe. C'est haram. Une femme qui sort avec une jupe, c'est haram, ça. Il n'y a pas besoin d'avoir des tonnes de science. Mais est-ce qu'on peut mettre une jupe à notre fille? Une fille qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans. On peut ou pas? Est-ce que c'est, on va dire, est-ce que c'est haram? C'est haram ou pas? C'est pas haram en soi-même. Pourquoi? Parce que ici, est-ce que c'est obligatoire pour al-hijab al-shari'a à 5 ans, 6 ans? Ce n'est pas obligatoire. D'accord? Walakin, est-ce qu'il faut le faire? Bi-ijma'il ulama, l'unanimité des savants, ils vont dire, non, il faut pas le faire. Il faut pas le faire. Pourquoi? Parce que ici, si tu fais grandir ta fille, je dis pas, il faut lui mettre le sitar à 2 ans. Attention. Mais je dis, si tu éduques ta fille, surtout quand elle commence à avoir une certaine raison. Et la certaine raison, en islam, on commence à l'acquérir les enfants à l'âge de, comme disent les gens de science, 7 ans. À partir de 7 ans, et c'est pas pour rien qu'à 7 ans, le prophète a dit, ordonnez à vos enfants de faire la prière. 7 ans, ça y est, l'enfant, on sait très bien qu'il commence à capter des choses qu'il captait pas avant. Donc il commence à vraiment réfléchir. D'accord? Donc si depuis 7 ans, ça y est, tu commences à mettre des habits décents à ta fille. Je dis pas de lui mettre le sitar encore à 7 ans. Ou à la kin de lui mettre des habits un peu vastes, pas au moins, pas des mini-jupes et pas des habits trop serrés. D'accord? Donc à ce moment-là, tu l'habilles avec une certaine pudeur. Tu l'habitues avec une certaine pudeur. Quand elle va arriver à 10 ans, ou 11 ans, 12 ans, et tu vas lui dire, maintenant il faut mettre le hijab shar'i, ça va être difficile pour elle ou pas? Ça va suivre ou pas? C'est normal. Elle est habituée à mettre des habits à large. Alhamdoulilah, ça va pas être choquant. Mais imagine-toi une fille, tu dis, mais non, c'est pas haram, mais non, donne-moi un texte. Et les gens qui ne voient pas loin, ils diraient, c'est halal, c'est haram, stop, on arrête là. Mais ils ont oublié les règles qu'il y a dans l'islam. Comme, par exemple, toute chose qui mène au haram, même si la chose à la base elle est halal, la chose halal elle devient haram. Man yu'addi ila al-haram fa huwa haram. Ce qui mène vers le haram, la chose devient haram même si à la base elle est autorisée. D'accord? Conduire une voiture, c'est halal ou c'est haram? Halal. Prendre une personne avec toi pour conduire et le ramener dans un endroit, c'est halal ou c'est haram? C'est halal. Mais si maintenant je prends une voiture spécifique pour prendre une personne pour le ramener dans une boîte de nuit, azzakumullah. Ici, prendre cette voiture pour le ramener, elle devient halal ou haram? Ça devient haram de prendre ce véhicule pour lui faire ça. La chose qui mène au haram, ici, même si à la base elle est halal, elle devient haram pour soit un moment précis, soit pour une situation précise, soit ça dépend. Donc c'est du cas par cas. Donc nous disons, faut voir loin. Si toi tu lui mets des mini-jupes de 7 ans jusqu'à 10 ans, mini-jupes, à 10 ans, bon khlas, maintenant tu lui ramènes, masha'Allah, le djilbab. Maintenant il faut que tu mettes ça. La fille, elle va être choquée ou pas? Elle va dire, tu m'as éduqué avec des barbies, maquillage, je sais pas quoi. Maintenant, tu me dis, djilbab. Pour elle va voir ça comme un déguisement. Je veux dire, c'est quoi ça? C'est une cape? C'est vrai ou pas? C'est chaud? C'est normal. La preuve. Comme moi, par exemple, je parle de moi. Je termine avec ça. C'était à quelle heure, l'adhan? 57. Petit exemple. Quelqu'un qui met toujours un kamis. D'accord? Il s'habille toujours avec un kamis. Tous les jours tu le vois, pendant un mois, deux mois, trois mois. Je dis pas que c'est obligatoire le kamis, attention. Voilà qu'il dit, quelqu'un qui a l'habitude de mettre le kamis. Le jour où il va mettre un jogging, ça va être choquant ou pas? Ça va choquer ou pas? Parce que les gens ils n'ont pas l'habitude de le voir. Donc la preuve d'être habitué avec un vêtement, et quand tu enlèves ce vêtement, tu mets un autre vêtement, ça choque non seulement toi-même, mais même les gens. Ça choque. Alors imagine-toi pendant 7 ans, tu es habitué, t'as fait avec un vêtement, et du jour au lendemain, ça va la choquer, ça va être dur pour elle. Donc ici, donne-lui une bonne éducation. Depuis le plus jeune âge, habitue-la ici à avoir la moralité de l'islam, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Chaque religion a sa moralité. La moralité de l'islam, c'est quoi? Al-haya, c'est la pudeur. Ça, c'est l'éducation qu'on doit donner à nos enfants. Et la meilleure des éducations, c'est l'éducation, pas avec la parole, mais avec le comportement. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين